Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce caprice de lecture qui sera exclusivement féminin aujourd'hui parce que je reçois une autrice originaire des Vosges et qui vit dans les Vosges, Frédéric Vollot, bonjour. Bonjour Sarah. Je suis très contente de vous recevoir donc avec ma plus fidèle amie, Raïka. Je suis venue parce qu'elle était là. Donc Bouvier-Bernois, pour ceux qui ne le sauraient pas, oui. De 4 ans et de 36 kilos, qui fait la sieste à nos pieds actuellement, donc c'est qu'elle est très bien. Frédéric, je suis ravie de vous recevoir dans les studios de Fadjet pour ce nouveau caprice de lecture. Merci. Où nous allons parler donc de votre dernier roman, Les larmes secrètes, qui est sorti le 18 avril 2024, dont on parlera donc au fil de cette interview. Frédéric, est-ce que vous êtes prête ? Je le suis. D'accord. Voilà, c'est très, très solennel. Oui, je le suis. comme dans le jeu de... les jeux télévisés. Ah oui, qui veut gagner des millions et tout ça. Qui veut gagner des millions, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, oui. Très, très solennel. J'ai pas les projecteurs qui s'abaissent et tout ça, mais on est pas loin. On les imagine. On les imagine. Alors Frédéric, comment êtes-vous venu à l'écriture ? Vous êtes donc à l'origine de 9 livres, dont Les larmes secrètes, le dernier. Voilà, souvent on nous parle de seconde vie, on nous parle de passion qui n'a pas eu le temps de, on va dire, d'éclore parce que entre la vie active et la vie professionnelle, c'est toujours un peu compliqué. Pour vous, Frédéric, ça s'est passé comment ? Eh bien, comme beaucoup, j'avais une vie avant l'écriture, ouais. Et qui donc, en fait, j'ai toujours aimé écrire quand j'étais à l'école. J'aimais beaucoup les rédactions. À l'époque, on avait encore des rédactions, hein, oui. Qu'on faisait à la maison et puis qu'on rendait. Et ma vocation aurait pu être arrêtée à ce moment-là parce que je me souviens en cours de français d'une rédaction et, où je m'étais beaucoup amusée en l'écrivant. Et j'avais un héros qui s'appelait Yamamoto Kaderaté. Voilà, donc... Que vous aviez imaginé. J'avais imaginé, et donc il y avait une histoire de bus, je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais visiblement, la prof de français n'avait pas trop d'humour, et j'avais eu 6. Je me souviens, ça m'a marqué, alors que ça avait fait rire tout le monde. Donc, mais bon, ça ne m'a pas découragée. Au contraire. Et en fait, non, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et puis, c'est en 2000, que je ne dise pas de bêtises, à partir des années 2000 où j'étais à Metz, hein, je travaillais à Metz. D'accord. Et puis, je me disais, tiens, j'étais à une époque... l'époque des grands questionnements, oui. Que fais-je, où vais-je, oui. Etc. On arrive à un moment de sa vie et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire ? Est-ce que ça me correspond encore ? Voilà, est-ce que ma vie a un sens vraiment ? Et puis, je me suis dit non, finalement, ça ne correspond pas à ce que je suis. C'est courageux de faire ça. Hein. Et à ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. Et donc, j'ai arrêté. Vous n'étiez pas en phase avec vous-même, peut-être ? Non, non, non. Ça, et le temps était venu de me mettre en accord avec moi-même. Oui. Donc, j'ai arrêté, puis je me suis mise à mon compte. Okay. Et là, j'ai créé une activité de correction, de rédaction, d'accord. Etc., pour des maisons d'édition, oui. pour des entreprises, des associations. On est toujours dans le milieu etc. littéraire, voilà. Écriture, toujours tout l'écriture, ça. On oui. est toujours là. Okay. Et puis, ça me permettait d'être indépendante, oui. Ce qui est important. Ah oui. Et de gérer votre temps, du coup. De gérer mon temps, ah, ce qui ne veut pas dire, attention, travailler moins. Parce ah, oui, que non. Quand on travaille seul, on travaille certainement beaucoup plus. Oui. Et là, on n'a pas d'horaire. Hein. Non. C'est le matin, la nuit, le soir, enfin n'importe quand. Ouais. Et donc, voilà. Et parallèlement, donc, écrire pour les autres. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire aussi pour moi. Alors, j'ai commencé par des nouvelles. Et puis, un jour, j'ai vu une annonce des éditions de Boré qui proposait, qui cherchait un auteur pour les grandes affaires criminelles de Meurthe-et-Moselle. Et comme à l'époque, j'habitais encore à la Meurthe-et-Moselle, je me suis dit, bah, C'est pour moi. Je vais tenter ma chance. Eh ben, et oui. Puis, ça a fonctionné. Super. Donc, ça a commencé comme ça, ouais. Les grandes affaires criminelles, après les mystères de Meurthe-et-Moselle. Oui. Et puis, ensuite, je me suis lancée dans le roman. Alors là, au départ, je ne savais pas trop comment faire, parce que, bon, une nouvelle, c'est court. Il y a une chute, ça, j'aime beaucoup. C'est très structuré, une nouvelle, en fait. Oui, oui, oui. Mais, avec un nombre de caractère, avec... Voilà. Et ça peut être court. Oui. Mais un roman, là, c'est... Là, il faut développer, il faut que ça soit cohérent, oui. Etc. Et puis, je me suis lancée et... Qu'est-ce que vous avez bien fait ? Oui. Franchement, mais c'est la meilleure décision de toute votre vie, de oui, vous être lancée. Oui, oui, certainement. Alors, ah oui. Et ça a été le Rucher du Père Voirneau. Ouais. Donc, et le Père Voirneau, pour lequel j'ai toujours beaucoup d'affection, parce que bon, mes romans sont toujours inspirés de personnages oui. qui ont existé. Le Père Voirneau a existé et il a eu une vie très difficile, mais il était, c'était vraiment un adorateur des abeilles, un grand protecteur des abeilles. Oui. Donc, on pouvait que s'entendre tous les deux. Et puis, il avait compris. Peut-être un avant-gardiste, le rôle. Ah oui. Le rôle primordial des abeilles. Primordial, des abeilles. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est qu'à l'époque, les abeilles, pour récupérer le miel, on les tuait. Oui. Hein, donc, pour lui, c'était... C'était pas possible. Invraisemblable. Ah oui. Bien ce sûr. Que je comprends d'ailleurs, oui. Parce que pour moi, tuer des abeilles, c'est... Déjà, tuer une bestiole, c'est, pour moi, c'est invraisemblable. Ben, oui. Hein, Donc, mais tuer une abeille, c'est sacré. Pour moi, l'abeille, c'est vraiment c'est l'insecte sacré par essence, quoi. D'ailleurs, on retrouve beaucoup l'abeille dans des armoiries, etc. Donc voilà, ça a été mon premier c'est roman. C'est parti et comme puis, ça. Puis il y en a eu d'autres après, jusqu'au dernier, là, Les Larmes Secrètes. Les Larmes Secrètes. Alors justement, ce dernier roman trouve ses racines dans les Vosges. C'est une région, un département, on va dire, des paysages. Moi, pour moi, les Vosges, c'est avant tout des paysages. On a tout dans les Vosges, c'est extraordinaire. On a tout. Et c'est très marqué dans vos romans, extrêmement marqué, aussi dans Les Larmes Secrètes. Pourquoi ? Est-ce que c'est une façon pour vous de rendre hommage à cette région ? Ou est-ce que c'est une façon d'ancrer votre roman dans cette région de manière confortable ? C'est une région que vous connaissez très bien. Ou est-ce que vous avez envie de rendre hommage à cette région pour tous les lecteurs de France ou peut-être de l'étranger, pour dire mais venez découvrir les Vosges. Ah ben ça je les incite fortement à venir visiter les Vosges parce que je me souviens d'une époque, même encore aujourd'hui, mais je me souviens quand j'ai fait des études de droit. Oui. Et donc, j'ai fait mes études à Paris et il se trouve que je les ai faites, c'était l'affaire Grégory. Ah, d'accord. À cette époque-là. Et j'ai tout entendu. À Paris, j'ai tout entendu sur les Vosgiens, vraiment des choses horribles. Des choses horribles, oui. Mais vraiment, on était des arriérés. Complet. Oui. Et donc, ça m'a toujours choquée parce que c'est pas du tout le cas. Non. Ah non. Et donc, les Vosges, c'est beau. Il y a des paysages magnifiques. Oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a la chance d'avoir tout. Il y a la plaine des Vosges. Mais on a tout. Que moi, j'adore personnellement. On a tout. Je suis née, suis née dans cette plaine des Vosges. Et je trouve ça magnifique. Mm. Il y a des forêts de feuillus comme j'adore. C'est légèrement vallonné. Oui. Il y a des haies, il y a des vaches. Il y a tout. Il y a les champignons aux bonnes saisons. Il y a vraiment tout. C'est très beau. Et puis, évidemment, il y a les Hautes-Vosges. On peut faire de belles randonnées. Où on peut faire de belles randonnées, mais dans la plaine aussi. Oui. Et je trouve que c'est une région, malheureusement, qui n'est pas assez encore mise en valeur. Oui. Et qui ne bénéficie pas d'une communication suffisamment positive. D'accord. Et enfin, c'est mon ressenti. Oui, oui, mais c'est intéressant de... Donc, j'aime bien mettre l'accent sur les Vosges pour décrire les Vosges, pour montrer mon attachement aux Vosges, pour montrer que les Vosges sont accueillantes. Et il y a aussi un savoir-faire. Oui. Dans les Vosges, on pourrait vivre de manière autonome, oui. si on le voulait. Il y a tout. Il y a tout. Dans tous les domaines. Il y a tout. Surtout. Il y a les couverts. On peut créer notre linge. Il y a tout. Il y a absolument tout. Oui. Donc, c'est une région. Et moi, je pense que quelqu'un qui lit. Alors, on parle des larmes secrètes, mais même d'autres livres que vous avez pu écrire et où, les Vosges sont très prépondérantes et qui ne connaissent pas les Vosges, ont envie de venir dans les Vosges parce que vous les décrivez très bien. Vous ne décrivez pas... Souvent, les gens, je suis d'accord avec vous, ont une très mauvaise idée des Vosges. Donc, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, il fait froid, il n'y a personne, c'est la campagne, il n'y a rien. Alors qu'en fait, non, il y a tout. Et je trouve ça chouette. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que je me dis, mais c'est vraiment pour ancrer le roman? Ou est-ce que c'est pour dire, mais en fait, non, les Vosges, mais venez, c'est super chouette, il faut venir. Il y a les deux, il y a cet appel aux autres. Et puis, c'est aussi parce que moi, je suis originaire des Vosges que j'ai envie d'en parler. Et vous êtes très fière de votre région. Ça se sent. Oui, oui. Et puis, dans mon dernier roman, je parle de Montureux-sur-Saône. Oui. Et Montureux, certainement, alors c'est le sud des Vosges. Oui. Alors là, c'est vraiment un coin que j'adore parce que c'est boisé. Il y a de très belles forêts. C'est magnifique, quoi. Il y a tout ce que j'aime. Les forêts de feuillus, il y a tout ce que je vous disais tout la à nature. L'heure. La nature. La nature est très présente. Il y a encore des villages qui sont, j'allais dire, dans leur jus. C'est peut-être pas le bon terme. Mais typiques. Typiques. Oui. Et ça j'aime beaucoup. Ouais. C'est encore, ça a gardé sa typicité, voilà. C'est pas... Et que ça la conserve. Oui. Parce que c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça se perd au fil du temps, malheureusement. Malheureusement, j'ai l'impression que tout s'uniformise aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Donc, il faut garder encore ses spécificités. Oui. Et donc, ce côté vers Montureux-sur-Saône, il y a cette vallée de l'Ourche qui est magnifique. Oui. Il y a la Saône, c'est beau, c'est verdoyant. Il faut y aller. Il faut y aller, quoi. Voilà. Alors, avant d'entamer la deuxième partie d'émission, on va faire une coupure musicale avec un titre que j'affectionne particulièrement, de Tina Turner. Alors, on ne présente plus Tina Turner, mais avec un parcours artistique et personnel, c'est une vraie force de la nature, cette femme. Oui. Je suis vraiment très admirative, avec un titre que j'affectionne aussi particulièrement, Proud Mary. À tout de suite. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do I it. Never lost nice. One minute and rough. And but we're going to take the beginning of this song. The thing and do it bend. Easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Frédéric Volo, qui nous a présenté de manière magique les Vosges. Eh bien, écoutez, maintenant, on va aller visiter les Vosges. Oui. Voilà, sur les endroits que vous nous avez indiqués. Alors, Frédéric, on va maintenant parler des larmes secrètes. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est le 9e livre, donc votre dernier livre, ce que je disais en début d'émission, qui est sorti en librairie le 18 avril 2024. Vous avez cité... Jour de la Saint-Parfait. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Jour de la Saint-Parfait, et ça, c'est un signe. Oui. Chers auditeurs, quand on édite un livre, le jour de la Saint-Parfait... Oui. C'est, voilà, il se passe quelque chose. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à ajouter, exact. Alors, vous situez le roman entre donc, les Vosges, la Russie, deux familles qui vont se confronter culturellement, économiquement, dans un contexte de guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale pour ne pas la citer. Voilà, l'arrivée des troupes allemandes va faire que tout ce qui paraissait immuable ou aller de soi va complètement exploser. Vous bougez un petit peu les codes justement de ces deux familles, vous les faites sortir de leur zone de confort. Pourquoi ? On aurait pu très bien rester avec cette famille issue des Vosges, hein, parce que voilà, dans le premier tiers du livre, on se laisse emmener dans l'histoire de cette famille travailleuse. Je ne dis pas trop de choses. Très travailleuse, et puis le temps s'écoule, et puis tout va plutôt bien. Mmh. Et là, d'un seul coup, tout explose. Je crois que quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, tout a explosé pour beaucoup de monde. Ouais. Et avant, pendant la Première Guerre mondiale et loin de chez nous en Russie, là aussi tout a éclaté, ouais, puisque il y a eu la Révolution russe et donc l'exil de beaucoup de familles, oui, de Russes. Et donc mes Russes, oui, viennent de là. Ce sont des exilés de la Révolution qui sont venus se réfugier en France. Qui vivaient bien. Qui vivaient très et bien. Et qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu, qui ont effectivement. Dû s'acclimater, c'est peut-être pas le terme, mais s'adapter. Ah, ils se sont adaptés, ça y a... S'adapter, voilà, c'est compliqué de s'adapter dans une nouvelle vie. Ah, quand on a tout perdu, d'autant que ceux-là, notamment pour ceux qui étaient à Moscou, ils vivaient très bien. Ah oui. Et du jour au lendemain, bah, on part avec les mains dans les poches. Ouais. Et ceux de Kiev, pareil, avec bon, des choses un peu plus difficiles, ouais, ils se retrouvent à Paris tous. Bon, ils y connaissent sens, ils doivent travailler, enfin... Comme beaucoup de Russes à, ouais, l'époque, ils sont allés travailler chez Renault, ouais, hein, parce que c'était vraiment, oui, là où ils se regroupaient pour beaucoup, dans le 15e. Et d'ailleurs, Boulogne-Billancourt, à l'époque, c'était Billanskoursk. Hein, donc ça avait pris, tout était russe là-bas, les, ouais, magasins, les journaux, il y avait un hôpital, il y avait les écoles, tout était russe, c'était vraiment le quartier. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu, mais enfin bon, ça s'est beaucoup dilué. Oui. Et puis, ben, ils ont, pour beaucoup, ils parlaient le français, parce qu'en Russie, on adorait le français, et l'élite parlait le français. Parlait français. Ils sont arrivés en France, ils parlaient déjà le français, mais enfin, c'est vrai qu'il a fallu, bah, réapprendre tout. Avec moins de moyens financiers. Avec nettement moins, et puis ben, se reconstruire. Ouais. Se reconstruire. Ouais. Et d'autant, sachant qu'en 1922, quand la Russie est devenue soviétique, oui, ils ont su à ce moment-là qu'ils ne retourneraient pas chez eux. Qui repartirait jamais. Ça serait fini. Donc, ouais, il a fallu qu'il se fasse une raison. Et puis, donc, il y a eu d'un côté. Puis, de l'autre côté, bah, il y a Montureux-sur-Saône, oui, avec cette famille. On a envie d'en faire partie, de cette famille, d'ailleurs, bah, quand, oui, vous la décrivez, ou de sympathiser avec eux. Une famille bien, bien tranquille. Modeste, qui travailleuse. Moi, c'est ça qui m'a marqué, très travailleuse. Très travailleuse. Toutes les générations sont très, voilà, très travailleuses. Et donc, qui tenait l'hôtel-restaurant, ouais, de la gare, qui a existé. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que je sais que vous, voilà, vous vous basez sur des, oui, des faits réels. Oui, oui. Et là, je me suis dit, oui, Est-ce que ça a existé? Ah oui, oui, il existait. Émile et Léontine aussi, d'ailleurs. Ce sont des personnes qui ont existé. Donc, bah, ils menaient leur petite vie tranquille avec leurs enfants. Une de leurs filles se fiance avec Fernand. Un enfant, à son tour. Voilà, Jeannot, et puis après une petite sœur. Un peu le petit-fils prodigue, d'ailleurs, oui. Parce qu'ils sont fous de joie. Le premier est un oui, fils. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, la fille d'Émile et Léontine étant un peu fragile, bon, Fernand qui était boucher ne peut plus continuer à exercer. Donc, son cousin lui dit, écoute, moi, je suis gendarme à Paris, rejoins-moi, rejoins-moi, je te ferai entrer à la gendarmerie. Effectivement, ils partent, hein, René et Fernand avec Jeannot dans les bagages et celle qu'on appelait Pépette, donc la petite sœur qui était Pierrette. Et tout le monde va s'installer à Paris en 38. Donc, évidemment, c'est vraiment la période... C'est pas la meilleure période. C'est pas la meilleure période. Et ils vont se retrouver effectivement avec cette première guerre mondiale, cette deuxième guerre mondiale, pardon, qui déboule, pris complètement dans les événements. Oui. Et... Donc Fernand, lui, il va être à une place très, très difficile parce qu'il avait un devoir d'obéissance et en même temps, il voyait ce qui se passait. Ouais. Donc, c'était très, très difficile. Et du coup, quelle était ça ? Est-ce qu'il ne devait pas aller contre ses propres valeurs ? C'est ça qui est compliqué. Ça, on le verra dans le livre. Oui. Mais c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Voilà, voilà. Mais effectivement, ils connaissent l'Exode. René avec Jeannot qui va raconter avec ses yeux d'enfant tout ce qu'il voit. Il vit l'Exode et c'est un bouleversement total. Et dans ce même temps, donc, il va y avoir un événement qui va faire que les Russes du début et cette famille de Montureux-sur-Saône exilée, qui déménage à Paris, ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer. Et ils vont se lier d'amitié. Enfin, Fernand va vraiment se lier d'amitié avec une des familles. Et il va les aider du mieux qu'il peut à traverser cette période de la guerre. En n'hésitant pas à prendre beaucoup de risques. Parce que, dans ces familles russes, il y a une famille juive. Oui, en plus. Donc, avec ces recensements, il y a eu, en 1941, il y a eu trois rafles très importantes, une en janvier, une en mai et une en décembre. Et donc, ils sont concernés. Et à ce moment-là, c'est là qu'on découvre les vraies personnalités des gens. Oui. Il y a ceux qui vont se collaborer pour sauver leur peau. Pour sauver leur peau. Hein. Moi, je porte pas de jugement parce que je dis toujours, je ne sais pas comment je me serais comportée. C'est exactement la même chose que je me dis. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand on nous dit. Si tu fais pas ça, ta famille y passe. Voilà. Bon, voilà, c'est. On ne sait pas. Je ne supporte pas ceux qui jugent après coup. Oui, c'est toujours facile de juger quand on l'a pas vécu. Exactement. Voilà. Mais donc là, il va y avoir donc l'occupation de Paris par les Allemands et donc l'occupation de Montureux-sur-Saône par les Allemands et donc la vie quotidienne qui est complètement bouleversé par cette occupation. Alors, à savoir aussi qu'à Montureux-sur-Saône, où Émile et Léontine, eux, sont restés, Émile refusait de quitter son hôtel-restaurant. Et il se trouve que c'était une table réputée. Oui. Donc évidemment, tout le monde s'y retrouvait. Et il y avait évidemment, il y avait près de la gare, il y avait des bâtiments qui étaient occupés par les troupes, par les soldats allemands. Mais les gradés, eux, aimaient bien manger. Donc oui. Ils venaient où ? Ils venaient à l'hôtel de la gare. Il y a même en début de livre, au début où ils ont ouvert l'hôtel de la gare, on a le menu. Oui. Le jambon découpé par le fameux, et on a le prénom. Le jambon. Voilà, c'est ça. Qui a existé. Moi, ça m'avait beaucoup fait rire, ce nom. Et en fait, il a existé. Il a existé, incroyable. Et je dois dire qu'il est mort sans donner sa recette de jambon. moi, on me l'a raconté, on venait très loin. Pour jambon. Et puis il faisait restaurant comble et les gens dansaient. Ça dansait. Oui, il y avait on pouvait danser, il y avait le jeu de quilles, il y avait. C'était vraiment génial. C'était, et on s'y croit quand vous l'écrivez. On est au printemps, on a envie d'aller danser, d'aller manger. C'est un dimanche champêtre un peu, quelque part. C'était très champêtre, voilà. Oui. Et donc, et c'était très vivant. Et ouais. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans ces villages d'antan. Il y avait une vie extraordinaire, oui. Il y avait les gens bougeaient, se rencontraient, on allait, c'était jamais vide nulle part, il y avait beaucoup de Et jamais personne n'était laissé de côté. Non, jamais. Et donc, avec cette guerre qui déboule, et puis avec les Allemands, là, pareil, que ce soit à Montureau ou à Paris, il y a ceux qui prennent le côté de l'occupant, oui. Et puis il y a ceux qui décident de rentrer en résistance. Oui. Alors, d'une manière plus ou moins flagrante, plus ou moins déguisée, etc. Oui. Voilà, et donc c'est cette vie au quotidien. Et ça interroge d'ailleurs. Je trouve que ça nous interroge. Oui, ça interroge sur, sur ce qu'on est au fond de oui. soi, quoi, voilà. Et ça nous révèle qui on est vraiment. Qui on est vraiment. Je crois qu'il faut des circonstances comme celle-là oui. pour vraiment se rendre compte oui. de ce qu'on est capable de faire et même d'aller au-delà, oui, au-delà. De ce qu'on imagine. En se disant, mais c'est pas possible, faire. Moi j'ai fait ça ou oui, j'ai été capable oui, oui, de oui, ça. Oui, enfin. On le voit d'ailleurs, oui. Quand on voit des personnages extraordinaires oui. qui se sont mis en danger pour sauver des enfants, quelques personnes, les cacher, les cacher, etc. Voilà, les faire passer en zone libre, enfin voilà. Voilà. Des trucs, et puis qui sont revenus après, oui. dans leur quotidien. Et la plupart tout du temps, on passera à la prochaine question après, je trouve des gens qui sont empreints d'une humilité incroyable. Et quelquefois, j'écoute des témoignages ou des choses où ils me disent je l'ai fait parce que pour moi, il fallait le faire. Voilà, point. C'est naturel. D'une humilité. Oui, absolument. Et en fait, il n'y a rien à rajouter parce que quand on a commis, réaliser des actes de bravoure comme cela et qu'on reste aussi humble, pour moi, c'est eux les vrais stars. Bien sûr. C'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est, bien voilà. sûr, bien sûr. Alors, Frédéric, on va passer à la suite. Vous faites pas mal de salons, de rencontres. Est-ce que vous avez une ou deux petites perles ? Nous, on s'est rencontrés au Livre sur la Place, donc en septembre 2024. Quelques petites perles comme ça, de compliments ou d'anecdotes. Est-ce que vous en avez une ou deux à nous livrer ? Vous avez un lectorat fidèle. Oui. En plus, oui, aime à vous retrouver, que ce soit dans vos livres ou en rencontre physique, et qui éprouve une vraie joie de vous retrouver. Alors, est-ce qu'ils éprouvent une vraie joie, si. Ça, je peux vous le confirmer, j'ai au moins deux exemples en tête. Ah, oui. Oui, oui, des gens qui sont... Voilà. Merci à eux. Je l'ai vu. Mais qui ? Donc, ça me fait plaisir de l'entendre, oui. parce que c'est toujours un vrai bonheur de retrouver des personnes qui vous apprécient. Alors, oui. Ça, franchement, je veux dire, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire. Mais quand on est en salon, quand on va quelque part, quand on va parler de ses livres ou dans une bibliothèque et autres, c'est tellement agréable de pouvoir échanger avec des personnes. C'est à peu près... c'est des moments conviviaux, des moments d'échange que j'ai pas le reste du temps puisque je suis dans mon bureau, j'écris, je suis avec mes personnages. Vous êtes seule ? Seule. Bah, voilà. Voilà, je suis dans mon ordi, dans le passé, etc. Et là, quand c'est le plus beau des compliments quand on me dit qu'on a aimé mon livre, c'est le plus beau des compliments parce que je me dis bah, j'ai réussi ce que je voulais. Et j'ai des personnes aussi qui me disent bah, je me suis reconnue dans tel personnage, ou ah bah, mes parents ont lu, ah bah, ils y étaient tout à fait parce qu'ils ont vécu des choses semblables. Et puis, alors j'ai un souvenir aussi d'un couple qui venait, alors c'était quand j'ai sorti Les Affaires criminelles, là c'est plus du tout le même registre, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi ce genre de d'écrit. Moi je l'ai beaucoup apprécié. Oui. Voilà, mais voilà. Et donc un jour je vois arriver un monsieur, une dame très classe, etc. Et donc bon, il venait me faire dédicacer Mes Affaires criminelles de Meurthe-et-Moselle, et donc le monsieur m'a... C'était un ancien commissaire de police. D'accord. Et qui avait participé à l'arrestation dans une des histoires que je racontais. Donc, bah, il était ému, et puis, alors, en même temps, il était fier et tout, donc, et chaque année, je l'ai vu, il est revenu, on parlait, enfin, on a sympathisé. Ah, c'est super. Ce qu'il y a, c'est qui est beau dans ce genre de rencontre, c'est qu'il y a des amitiés qui se nouent. Et ça... Qui ne se seraient peut-être pas nouées dans un autre contexte. Non, certainement. Parce que c'est le plaisir de la rencontre, les gens viennent vous voir. Voilà, voilà. Ils ne viennent pas dans un magasin, par exemple. Vous voyez, les gens viennent vous voir. Voilà, et d'ailleurs, au Livre sur la Place, en septembre dernier, il y a un monsieur qui est venu, qui m'a dit, j'ai vu que vous étiez là, alors je suis venue. Voilà. Voilà. Mais ça, je crois que ça, c'est le compliment. Et donc, ça fait plaisir. Ouais, ça fait super plaisir. Et donc, mais je crois que le plus important, c'est de rester soi-même. Oui. De rester, de ne pas se prendre au sérieux, surtout, parce que... Pas prendre la grosse tête. Pas se prendre la grosse tête, mais rester comme on est, et puis rester très accessible à ses lecteurs. C'est ce que nous, lecteurs, on aime. Oui, oui, oui. Parce que attendre des heures debout pour... sans qu'il y ait forcément d'échange. Voilà, moi je sais que ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien 2 minutes, 3 minutes, le petit mot sympa, le partage. Je trouve ça tellement plus enrichissant pour les deux d'ailleurs. Bah, pour les deux, pour l'auteur et le lecteur. Hein, pour l'auteur, c'est important d'avoir c'est très important. Le retour de son lecteur, savoir ce qu'il a pensé, même savoir ce qu'il fait. C'est comme si vous passiez, vous, écrivain, un examen. C'est vrai. C'est un petit peu un oral. Quoi. Un petit peu, comme un grand oral. Oui, et de passage, Je pense que ça génère aussi du stress, mais voilà, quand on conclut peut-être ce genre de salon ou d'autres rencontres, vous pouvez vous dire, je suis contente. Oui, et après un salon, en général, c'est fatigant un salon, parce que c'est comme le Livre sur la Place, c'est 3 jours. C'est du bruit. Quatre jours où il y a beaucoup c'est de bruit. C'est du bruit du monde. C'est de la fatigue, mais... en rentrant à la maison, je suis fatiguée, mais qu'est-ce que je suis contente. C'est une bonne fatigue. Ah oui. Ouais. Ah, oui, c'est bien. Oui, oui, c'est vraiment c'est très, chouette. Très sympa. C'est chouette. Ouais. Alors, on va faire une deuxième et dernière coupure musicale avec Posa pour Dirty Cash. Et on reviendra juste après, Frédéric, pour votre actualité. Just want you to use me, take me and abuse me. I got no taboos, I make a trade with you. Do anything you want me to. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. And dirty cash, I need you. Oh, money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Oh. And the poor, more and more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy, 'cause everybody wants. want some. Money ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. I once had pride, now that's all behind. I want to get rich quick. I want success and all that goes with it. And I'm gonna use my sex. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. And dirty cash, I need you. Oh, money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Oh. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'édition de Caprice de lecture, toujours en présence de Frédéric Volo. Frédéric, quelle est votre actualité pour le deuxième semestre de cette année? Est-ce qu'il y aurait peut-être un autre livre en préparation, des salons? Les salons habituels. Encore le livre sur la place ou pas? J'espère que oui. Ok. Voilà. Saint-Dié. Ok. C'est quand Saint-Dié? Le FIG, c'est début octobre en D'accord. général. D'accord. Ok. Bon, et puis d'autres salons, en espérant que cette fois-ci, tout aille bien. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Oui, moi aussi. Donc, encore beaucoup de rencontres avec vos lecteurs. Voilà, oui, et puis certainement des dédicaces un petit peu à droite, à gauche. Et là, effectivement, je suis dans un autre projet, un autre roman qui sortira, je pense, premier trimestre 2026. D'accord. Voilà, et qui là ne sera plus dans les Vosges. Ok, donc ne dites rien, par contre vous reviendrez, s'il vous plaît, nous en parler. Ah bah alors là, bien volontiers. Ah super, je reviendrai avec Raïka, promis. Ah bah surtout s'il y a Raïka, c'est ma condition première. Si on veut retrouver votre actualité, est-ce que vous avez une page sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça? Oui, bah il y a Facebook. Hein, Frédéric Volo. Voilà, tout simplement. D'accord. Et puis j'ai créé dernièrement un site, Frédéric Volo. .fr tout attaché. D'accord. Donc là où on peut me retrouver. Si on veut m'écrire, on peut. Vous répondez. Voilà. Parce que quelquefois on écrit, mais les auteurs répondent pas forcément. Si, c'est quand même la moindre des politesses. Je suis d'accord avec vous. Mais hein, donc... je suis d'accord avec vous. Donc voilà, vraiment. Donc riche. Un deuxième semestre qui sera riche. Ah, je l'espère. Ah, si, oui, ce sera bien. Oui. Et puis avec plein de projets en tête. Ah, super. Donc, mais bon, je viendrai avec grand plaisir vous en reparler. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce spécial Caprice de lecture Frédéric Volo en présence de Raïka. Voilà, c'était aussi une démarche inédite. À très bientôt sur les ondes de Fadjet. Au revoir Frédéric.